Un jour que Katrina Fieschi, surnommée Katrina Dajonova, se trouva si grièvement malade, au point que les médecins désespéraient pour sa vie. Ne trouvant aucun remède qui pût la soulager, elle reçut d'en haut une lumière qui lui fit savoir que trois communions suffiraient pour lui rendre une parfaite santé. Le père confesseur lui administra ses remèdes et elle se trouva entièrement guérie. Le 22 mars 1473, marque la date où Dieu révéla à Katrina un sentiment d'amour pour elle, si accablant, qu'elle se convertit et lui voua entière dévotion. Katrina commence ainsi son traité sur le purgatoire. Feu d'amour divin, que la grâce a allumé dans mon cœur, qui me fit comprendre la nature et manière des tourments du purgatoire. Ce feu d'amour efface les taches de mon âme afin qu'au sortir de cette vie, me trouvant entièrement purifié, mon Dieu veuille m'admettre en sa présence. C'est ce même feu qui s'opère en les âmes du purgatoire qui n'ont pas été entièrement purifiées. Il dévore les taches du péché qui les déforment, afin de leur donner cette pureté qui leur ouvre la porte du paradis. L'âme qui naît aussi nette que lorsqu'elle a été créée, voit un empêchement qui peut lui être ôté au moyen du purgatoire. Elle va volontairement s'y jeter, malgré que la peine à subir y soit extrême. La grandeur de la peine est égale à l'enfer. Aucune langue ni aucune intelligence ne peut l'exprimer ou comprendre, si Dieu ne lui découvre. L'expiation des âmes au purgatoire s'allège par l'intercession des vivants. L'origine et le fondement de toutes les peines vient du péché originel, puis le péché, présent dans la volonté de l'homme, opposé à la volonté de Dieu. Le péché continue d'exister tant que cette mauvaise volonté persiste. Ceux qui perdent la vie dans cette condition sont damnés. Leurs péchés ne sont pas remis, et ne pourront l'être, car la mort a rendu cette volonté inchangeable. L'âme est fixée à jamais dans le bien, ou dans le mal, d'après sa propre volonté, au moment de sa mort. C'est le moment décisif où Dieu la juge. Une fois prononcée, la sentence est irrévocable, et l'âme demeure éternellement dans la position où la mort l'a trouvée. La liberté s'arrête avec la vie. Voici la différence entre les âmes au purgatoire et les âmes damnées. Si la mort surprend les âmes ayant de l'amour pour leurs péchés, elles seront damnées, plongées aux enfers. Il n'y aura pas de fin de culpabilité, ni de souffrance. Leur supplice sera éternel, même si leurs souffrances ne sont pas autant qu'elles mériteraient. Pour ceux qui ont reconnu leur culpabilité, et eu leur faute effacée par une sincère pénitence, les prisons du purgatoire les garderont pour la punition qui reste à faire, qui va s'abréger avec le temps. Sachez pour certain que Dieu ne fait aucune remise de peine aux âmes qui ne l'ont pas méritée. Elles ne sortent de leur cachot qu'après avoir payé la dernière offrande de ce qu'elles doivent à sa justice. Dieu le veut ainsi, et l'a décrété ainsi.